Ça s'est crêté un peu. Il est plus niveau là. Pardon? Il est plus niveau là. Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kim, ayant pour titre « L'influence sur nous des forces qui hantent nos maisons ». Il y a des forces qui hantent nos maisons. Les individus qui ne connaissent pas trop ce que c'est que l'occulte appellent ça des forces. Ce sont peut-être des faiblesses qui hantent nos maisons. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une possession? Est-ce qu'on peut appeler ça une possession? On peut appeler ça une possession. Bien mal posé ma question. Est-ce que c'est une possession? C'est une habitation, c'est-à-dire que, est-ce que c'est une possession? L'humain a toujours l'impression qu'on peut posséder des choses, donc de ce fait, les forces de l'astral qui baignent l'endroit tellurique où les maisons sont construites, ou encore qui baignent la matière même avec laquelle la maison est construite, ou qui vont imbiber les objets qui vont décorer la maison, ce sont des forces qui les habitent. Est-ce qu'on peut parler de possession? Dans certains rares cas, oui, quand la force provient de l'extérieur, c'est-à-dire quand ça fait plusieurs années qu'une maison est construite et qu'à un moment donné, il y a des perturbations psychologiques qui commencent à apparaître dans la tête des individus qui habitent la maison. On peut alors parler de possession en ce sens que les forces sont des forces invitées, des forces qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas inhérentes même à la structure du décor, des vêtements, des habitants de la maison, ainsi que de la maison. Ils sont invités par qui? Invités par qui? Ils sont invités par des âmes qui... par des habitants de la maison qui, à un moment donné, ont des contacts avec l'astral, avec l'extérieur, et qui, à travers ces contacts, vont permettre la réincarnation de mécaniques qui vont, elles, inviter, c'est-à-dire attirer de l'extérieur une atmosphère, une ambiance qui prévalait lorsque ces individus étaient dans un corps physique un peu antérieurement. Autrement dit, il y a des personnalités qui se réincarnent régulièrement chez l'humain. Et lorsque ces personnalités se réincarnent, elles peuvent vouloir retrouver l'atmosphère qui prévalait lorsqu'elles vivaient. Alors, elles peuvent inviter une atmosphère. Donc, cela va engendrer ce qu'on appelle une possession. Est-ce que ça serait plus précis de parler d'influence plutôt que de possession? C'est la même chose. Une possession, c'est lorsque ce qui influence l'humain a plus de puissance sur le contexte que l'humain lui-même. Donc, ça possède le contrôle de l'événement. Et nécessairement, ça influence l'humain. Alors que lorsque ce n'est pas une possession, il est assez juste de dire influence seulement. Ce sont des forces qui, de toute façon, sont là et qui vont influencer le comportement de l'humain. Parce qu'une influence m'apparaît plus neutre. Ça peut être positif ou négatif, alors qu'une possession, c'est... C'est neutre aussi. C'est neutre, oui. Même chose. Ça peut être une possession positive. Absolument, absolument. Mais... Quoi qu'il n'y ait jamais d'influence positive, ni jamais de possession positive au niveau cosmique, mais pour l'humain, oui. Mais celui qui veut se droguer, par exemple, et qui a l'influence de se droguer, c'est une influence positive. Oui, pour lui. Exact. Donc, est-ce qu'il y a des influences positives? Non. Influencer à être heureux alors que vous n'êtes pas votre seul maître, que vous ne contrôlez pas ce qui se passe chez vous, ce n'est pas une influence positive. Influencer à refaire le décor de la maison, même si ça plaît à ce qui vient de se réincarner au niveau de l'ego. Mais de toute façon, l'être humain, tant qu'il n'est pas son seul maître, n'importe quelle forme d'influence devient automatiquement négative. Mais si tu étais alcoolique avant, puis il y a des réincarnations qui font en sorte que tu ne l'es plus, ça aide, disons, à l'évolution, ça ne pourrait pas t'appeler positif? Ça peut être appelé positif, mais ce n'est quand même une manipulation qui est négative. Tout ce qui est ça influence... Ça améliore ton cas, mais c'est une manipulation qui est négative. Tout ce qui est une influence, c'est négatif. Oui, ce que je veux, c'est que faut bien comprendre que quelle que soit l'influence, que ce soit un maître, que ce soit un gourou, que ce soit un dieu, que ce soit une entité du monde de la mort, que ce soit une entité lumineuse, un être de lumière, un fantôme, ce que tu voudras, un pissenlit, quelle que soit l'entité ou quelle que soit la forme qui vient manipuler une conscience humaine, nécessairement la manipulation est négative. Par contre, cela peut temporairement changer l'humain de façon à amener l'humain à une forme d'expression plus évolutive, mais dans tous les cas, l'expression évolutive, lorsqu'elle est atteinte, la force qui manipulait devient négative. Alors, tout ce qui est satanique, tout ce qui est avec, à un moment donné, devient satanique. Ce qui te permet de monter, à un moment donné, te fige à ce niveau-là, t'empêche de monter plus haut, donc ça devient négatif. La problématique, c'est que ce qui, en termes d'influence ou en termes de force, ce qui va permettre à une personne alcoolique de ne plus être alcoolique, peut par la suite la rendre pire, hein, du point de vue de l'évolution, que ce qu'elle était lorsqu'elle était alcoolique. C'est-à-dire qu'une fois rendue là, elle va rester là le restant de ses jours. C'est un peu une vie perdue. Alors que si elle était restée alcoolique un peu plus longtemps, elle aurait peut-être sauté une... Elle serait peut-être écœurée d'être alcoolique sans nécessairement subir de force d'influence. Socialement, c'est préférable. Évidemment, c'est extrêmement spirituellement beau de travailler pour désalcooliser les individus. mais ce n'est pas nécessairement conséquentiel du point de vue de l'évolution des individus. On veut rendre les individus beaux pour que ces individus-là cessent de nous faire souffrir. Et pourquoi? Bon, on va dire, oui, mais ils souffrent eux-mêmes. Oui, mais c'est leur souffrance qui te fait souffrir. Parce que ceux qui ne souffrent pas d'avoir des alcooliques vendent de la boisson. Donc, nécessairement, ceux qui veulent les aider, c'est ceux qui souffrent de les voir comme ça. Alors, on veut aider les autres pour ne plus souffrir soi-même. Ce n'est pas nécessairement une aide évolutive pour l'autre. Donc, il y a des influences qui peuvent habiter nos maisons, qui peuvent être... Est-ce que... Toutes les maisons sont habitées par des forces qui influencent la psychologie des individus. Les lieux de travail, les lieux de villégiature, les hôtels et toutes les maisons, toute forme de construction émet des formes, des énergies et est habitée par des forces qui influencent de toute façon les psychologies humaines. Est-ce que c'est vrai aussi pour les objets, les voitures, les bateaux? Une automobile, des vêtements... Un bateau, un avion, tout ce qui est créé par l'humain est habité par de la psychologie humaine qui nécessairement influence les individus. Donc, quels sont les effets de cette influence-là sur les humains dans une maison? Est-ce que c'est toutes les mêmes? Par exemple, si on est cinq dans la maison chez nous, il y a une influence, un égrégore ou une bon, est-ce que qui habite, est-ce qu'on va tous être influencés par la même chose? Est-ce qu'un spaghetti est digéré de la même façon et à la même vitesse par tous les individus? Non. Voilà. Donc, une influence qui habite une maison n'influencera pas nécessairement tous les individus de la même façon. Par contre, il y a des influences qui habitent les maisons. On va... Bon, je vais juste dire ce que j'allais dire là, mais il faudra qu'on fasse sans doute un espèce de retour en arrière pour pouvoir mieux comprendre les choses. Présentement, il y a une pleine lune. Ce soir, il y aura une éclipse totale de la lune. Nécessairement, il y aura une perte de contact temporaire entre l'onde de forme de retour, c'est-à-dire ce qui, du soleil, est réfléchi par la lune et vient sous contact planétaire. Donc, on aura, du point de vue des influences, on aura une pleine lune qui sera suivie d'une nouvelle lune, pas de lune du tout, qui sera immédiatement suivie d'une autre pleine lune. Et ça, c'est rare qu'on ait ce genre de conditions. On l'a toutes les quelques années. La prochaine fois, c'est en 92, mais on en a de temps en temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'être humain, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est lorsqu'il n'y a pas de lune dans le ciel. Mais la lune étant en orbite autour de la planète Terre, nécessairement, elle est là. Sauf que le soleil ne l'éclaire pas, donc on ne la voit pas. Et lorsqu'on a les quartiers de lune, c'est que le soleil éclaire une partie de la Terre, l'autre côté, et il y a une partie de la lumière qui traverse, qui passe à côté de la Terre, et qui vient éclairer la lune, dessinant l'ombre de la planète Terre sur la lune. Et il y a aussi autre chose, il y a le soleil qui est placé différemment, et la lune est éclairée de plein fouet, mais de notre point de vue à nous, on ne voit qu'une partie. C'est-à-dire qu'on voit l'ombre de la lune, et on voit le reste. Maintenant, ce que l'humain doit comprendre, c'est que la nouvelle lune, la lune, elle est là, mais elle n'est pas éclairée. La pleine lune, la lune est totalement éclairée. Il y a des effets dans la psychologie humaine lorsque c'est la nouvelle lune, il y a des effets lorsque c'est la pleine lune. Et cette nuit, nous aurons la pleine lune, nous aurons la nouvelle lune et nous aurons la pleine lune. Tout dans la même nuit. Exact. Maintenant, bien souvent, l'humain considère que la lune a des effets. Si, bon, moi j'ai travaillé pour Urgence Santé suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a des dates particulières, les grandes fêtes religieuses, et au niveau des pleines et des nouvelles lunes, il y a des incidences majeures sur le taux de violence, sur le taux de suicide, sur le taux de recrudescence de certaines formes de maladies. Exactement comme lorsque vous avez la grippe, ça semble s'empirer le soir. Pourquoi? Parce que c'est une maladie yin. Ce n'est pas une maladie yang. Donc, lorsque l'énergie yin solaire commence à s'atténuer, le yin tellurique, le yin planétaire sort, et cela vient influencer vitalement l'individu qui devient un peu plus malade. Dans les forces qui entrent tous les objets, donc on parle d'un verre d'eau, du vêtement, du décor, des fauteuils ainsi que de la maison, comme l'automobile, le bateau, l'avion et le lieu de travail, les forces qui entrent, qu'est-ce que ça veut dire hanter? Ça veut dire c'est une atmosphère qui semble baigner, comme une brume. Et hanter veut dire quelque chose qui provient du monde de la mort, quelque chose qui provient de la mémoire. Et cela vient et ça semble flotter d'une façon impalpable, hantée. Par exemple, on peut avoir une pensée qui entre notre conscience. La pensée, elle est presque là, mais elle n'est pas suffisamment là. Donc, une force qui hante est une force qui, pour être conscientisée, doit être sensibilisée du point de vue du corps vital et doit être par la suite mentalisée, c'est-à-dire qu'on doit s'arranger pour rendre plus lucide ce qui, chez nous, peut détecter ces forces. de façon à ce qu'elles habitent la maison, mais qu'elles ne soient plus des forces qui entrent, c'est-à-dire des forces qu'on ne perçoit presque pas. Qu'on a une idée que, mais l'idée est tellement faible que bien souvent l'idée nous échappe, elle ne reste pas au niveau de notre conscience. Il vaudrait mieux les percevoir complètement. Mieux vaut les percevoir complètement, de toute façon, sinon elles restent des forces qui entrent. Ces forces sont intimement manipulées par les conditions planétaires. En l'occurrence, le contexte lunaire. Ce sont des forces qui proviennent d'une mémoire très tellurique. Ce sont des forces qui proviennent des mémoires astrales, donc des mémoires du monde de la mort, qui sont extrêmement basses. Lorsqu'un être humain meurt, les parties les plus basses de sa conscience astrale, les parties les plus matérialistes, les parties qui voulaient le plus rester en vie, donc normalement les parties les plus matérialistes, celles qui jouissaient de la matière, ce sont les parties qui vont être digérées dans le monde de la mort en premier. Ce sont les parties qui restent très, très basses, donc très, très proches du contexte humain. Et ce sont normalement ces parties-là qui vont hanter, qui vont rester. Les parties les plus spirituelles décollent et ne hantent pas. Donc, on doit considérer que tout ce qui hante est nécessairement quelque chose qui tend à se servir de l'individu pour pouvoir se nourrir en tant qu'expérience ou en tant que mémoire. Donc, les forces qui vont hanter sont des forces qui tentent à se servir de l'énergie vitale des individus, ce qui peut perturber énormément leur sommeil. Les individus auront des sommeils qui sont à peu près jamais réparateurs. Cela peut hanter énormément en puisant de l'énergie vitale dans l'individu. Cela va rendre l'individu beaucoup plus impatient. Ça peut empêcher les études scolaires, par exemple. Ça peut rendre extrêmement pénible les études scolaires. Alors, quand on va chez le voisin, ça semble aller mieux. Cela amène une incidence, donc, du point de vue vital. Cela peut engendrer des malnutritions. Cela peut engendrer des pathologies du point de vue vital. Mais étant donné que cela agresse l'énergie vitale dans l'âme, et on sait que l'âme est paramétrée, l'âme est limitée par une enveloppe d'énergie vitale, le périsprit, lorsque le corps physique est puisé en énergie vitale, nécessairement le corps physique va se ressourcer dans le sommeil. Mais si pendant le sommeil, on est puisé, les entités se promènent, ce sont des entités telluriques yin, donc qui sortent normalement, qui ont une plus grande facilité à s'exprimer la nuit, ça disparaît, ça allume la lumière étant yin. Mais on ne peut pas dormir toujours avec de la lumière. Cela perturbe quand même notre condition de sommeil. Alors, lorsque l'individu se voit physiquement puisé dans l'énergie vitale, lentement, le périsprit s'amincit. Le périsprit s'amincissant, l'individu devient plus sensible. Sensible aux perturbations, donc il devient aussi plus sensible aux lectures corporelles. Alors, si je t'accroche, étant plus sensible, immédiatement, je t'irrite. Tu es plus facilement colérisable, tu es plus facilement irritable, et à la longue, graduellement, on en arrive à une condition qui fait que les individus habitaient à des maisons ou travaillaient dans certains lieux de travail, ou simplement voyageaient dans leur automobile, ou etc., finissent par ne plus être ce qu'ils devraient être s'ils vivaient dans une maison construite convenablement et s'ils vivaient dans une maison qui n'est pas capable de recevoir ou de supporter des forces qui viennent hanter, des forces qui proviennent du passé. L'individu, lentement, au niveau des couples, il y aura des chicanes, des scissions. On dit, ben voyons donc, ça a toujours été comme ça chez les couples. Exact. Mais ils ont toujours habité des maisons qui, premièrement, étaient habituellement traditionnelles. Dans le passé, c'était souvent les maisons des parents. C'était des vieilles maisons. Et effectivement, ça a toujours été comme ça, oui. Ce n'est pas parce que c'est inhérent à l'humain de se disputer en tant que couple. C'est pas, premièrement, il y a des disputes qui peuvent apparaître dans le fait que chaque humain évolue à son propre rythme et nécessairement, évoluant vers une conscience individuelle, prenne un chemin qui, à un moment donné, est différent. Mais même si moi, je rencontre des personnes avec qui je travaille qui ont une conscience totalement individuelle, je ne me dispute pas pour autant parce qu'on est capable mentalement de comprendre les différents points de vue. Mais plus on connaît l'individu, plus on a tendance à se chicaner, mais plus on vit ensemble, plus l'atmosphère qui nous entoure capte nos problèmes, nos faiblesses, nos talons d'Achille, et toutes les forces qui viennent hanter la maison ont une tendance à s'approprier cette information, et lentement savent, c'est-à-dire donc manipulent l'humain, savent exactement de quelle façon nous pouvons, nous, dans la maison, engendrer suffisamment de nourriture pour ces forces, de sécrétion endocrinienne, de sécrétion émotive, de façon à dynamiser ces forces pour que celles-ci puissent se nourrir. On doit comprendre que les forces qui entrent sont toujours des forces téléspectatrices, c'est-à-dire que ce sont des forces, ou spectatrices pour être plus juste, sont des forces qui se nourrissent en tant que spectateurs. Ce ne sont pas des forces qui se nourrissent en tant qu'acteur, bien rarement. Mais est-ce qu'eux, ensuite, viennent te redonner encore davantage de problèmes? C'est-à-dire que si, par exemple, on prend un exemple bien concret, on habite dans une maison, on vit des problèmes pendant, disons, une période de 6 mois, ces problèmes-là attirent, si je comprends bien, des entités. Il y a déjà des entités dans la maison. Il y en a déjà, mais ils vont en attirer d'autres semblables. Si c'est un problème d'alcool, ça va attirer encore d'autres. Exact. Ceux qui sont en affinité de se nourrir de l'expérience que vous vivez vont venir. Et lentement, ils vont imbiber la conscience des individus, surtout pendant leur sommeil. Et ils vont manipuler les individus à vivre des contextes et des conditions que normalement, ils ne vivraient pas. Est-ce que c'est ça qui pousserait, à un moment donné, le couple ou la famille à quitter la maison pour aller dans le nord, aller changer d'atmosphère? Chez les couples qui sont suffisamment vibratoires pour finir par dire « c'est la maudite maison ». Bon, ou encore c'est « je veux plus rester ici ». Bon, là, ça devient une expression inconsciente, mais ajustée par un ajusteur de pensée. Là, je ne veux plus rester ici, si on ne déménage pas, je vais virer folle ou fou. Mais l'individu ne sait pas exactement ce qui se passe, mais nécessairement, c'est cela. Elle veut fuir le contexte, qui n'est pas mauvais non plus. Quelle idée avons-nous des fantômes? C'est toujours des esprits, en réalité, c'est le terme qu'on emploie, mais ce ne sont pas des esprits, des entités, qui hantent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que hanter? C'est faire grincer des portes. Ça veut dire écœurer les habitants. C'est faire tomber des objets, des esprits tapageurs, style poltergeist. C'est des entités qui, finalement, ne veulent que faire sécréter l'humain. Alors, à un moment donné, ça va paraître. L'idée qu'on a la plus, c'est celle avec le drap blanc, avec les « bon, qui se promènent dans la cabane. Et cela permet de perturber une émotivité, surtout qu'on a des sons qui sont extrêmement appropriés. On a le « aum », évidemment, qui est un phénomène sonore qui branche l'individu sur des contextes telluriques planétaires. Mais le « ouh », et on pourrait s'amuser longtemps, ce son a la particularité de faire vibrer immédiatement le périsprit. Et tout le périsprit d'un individu va se mettre à vibrer, surtout s'il est porté par une énergie tellurique « yin », donc la nuit. Étant donné que toute l'enveloppe se met à vibrer, immédiatement tout le corps se met à vibrer. L'individu va sentir des choses promener dans sa colonne vertébrale, il va sentir un paquet d'énergie au niveau astral, il va sécréter énormément de phénomènes émotifs, et cela nourrit. Toute forme de mécanisme qui entre est nécessairement là pour se nourrir de l'émotivité de l'individu. Mais si l'entité ou les entités ou la mécanique qui entre n'est pas suffisamment puissante pour pouvoir se servir de l'énergie vitale des individus pour engendrer des réactions matérielles, en l'occurrence la création d'un ectoplasme à même l'énergie vitale d'un individu, ou la création de bruits sonores, ou simplement la création de dépolarisations neuroniques qui font en sorte qu'un cerveau semble entendre ou voir des choses que les autres ne voient pas. Elle n'est pas folle, elle voit comme on voit avec les yeux, les polarisations neuroniques. Sauf qu'au lieu d'être une question d'énergie photonique, donc de lumière, ou encore d'énergie auditive, c'est une question d'énergie neuronique. Nécessairement, toutes les entités ont une seule fonction, se nourrir et s'exprimer. La majorité de ces influences vont être extrêmement insidieuses, c'est-à-dire qu'elles ne paraissent pas. Alors, on vient d'emménager dans une nouvelle demeure, on place notre mobilier et ces choses-là. Il y a nécessairement une forme de résistance qui va s'opérer entre notre mobilier qui est investi de nos propres énergies et des problèmes qu'on avait avant de déménager, ou encore c'était mobilier neuf, c'est qu'il y a moins de résistance, et ce qui habitait la maison, ce qui hantait la maison. Est-ce que ce sera nécessairement une résistance ou ça peut être une amplification? Si les deux ondes sont semblables, si les deux influences sont semblables... Bien, si elles sont semblables, c'est une amplification. Par exemple, tu vivais dans un logement où il y avait des alcooliques qui vivaient là-dedans, où il y avait un homme qui battait sa femme régulièrement, où il y a eu un suicide. Bon, tout arrive là-dedans. Et après quelques années de démoralisation, tu finis par déménager. Tu t'en vas dans une autre maison qui ressemble un peu à celle que tu avais. Alors, nécessairement, ça amplifie les choses. Ben, ça amplifie, ça poursuit l'amplification lente des mécaniques. Quand on dit qu'à un moment donné, on prend des vacances, ça fait du bien, on change d'air. Je dis que la manipulation, l'influence, est une atmosphère astrale. L'atmosphère, évidemment, c'est un terme qui désigne bien la chose, mais quand on dit on change d'air, est-ce qu'on change d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de gaz carbonique? Non. On change d'air. On parle encore d'une atmosphère astrale. Donc, quand l'individu, oui, mais ça fait du bien de changer d'air, Exact. Il se sort de la mécanique qui entre la demeure où il travaille, où il vit, et il s'en va prendre des vacances. Il s'en va dans un hôtel. Mais quand il rentre dans un hôtel, il loue une chambre. En louant une chambre, nécessairement, il devient assujetti à l'atmosphère qui entre la chambre. Et il y a des hôtels, plus c'est neuf, mieux c'est. Il y a d'autres individus que plus c'est une vieille hôtel, mieux c'est. Parce qu'elles aiment baigner dans une atmosphère extrêmement sécurisante où elles retrouvent des mécaniques qui sont vieillottes. Alors, elle va nécessairement peut-être avoir chez elle des vieux meubles, des vieux bibelots, des vieilles ceci, des vieilles cela. Mais cette mécanique, cette atmosphère n'est pas un changement d'air. Et bien souvent, elle empêche l'individu d'évoluer, de se diriger vers du neuf. Ceux qui veulent ne pas aller vers le neuf ou aller dans des vieilles hôtels, est-ce que ça pourrait être aussi parce qu'ils sont incapables de se ramasser dans un endroit où il n'y a presque pas d'influence? C'est exactement ce qui arrive. Ils ont besoin d'un cadre sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des emmerdeurs autour d'eux pour se sentir correct. Exactement comme on a des personnes qui ont besoin d'être dans une atmosphère où ça gueule, ça crie, parce que sinon, ça serait plate. Alors, quand ils ont aussi, ils ne le disent pas nécessairement aussi clairement, mais ils auront la même tendance par rapport à une maison ou à une atmosphère, donc une force qui hante la demeure où ils vivent, qui lui nuit, mais qui l'empêche de dormir. Mais un sommeil où elle dormirait tout d'un coup serait tellement neuf pour elle qu'elle en aurait peur. Donc, elle va rechercher des endroits qui sont quand même relativement similaires à ce qu'il vivait. Un individu qui change de pays, qui va voyager dans un autre pays, bien souvent vit ce genre de problème. Les forces qui hantent les régions où il va aller ne sont pas des forces qu'il connaît, et il a besoin d'une période d'adaptation, même de sommeil. Et c'est évident que si on regarde, oui, mais c'est normal qu'on doive s'adapter parce qu'on ne mange pas la même nourriture, oui, mais les individus ont même de la difficulté à dormir. Sauf certains rares personnages qui vont dormir, ah là, mais comme ils dorment jamais ailleurs. Justement, on doit étudier la façon dont notre maison est construite, la façon dont nous l'avons décorée, quels sont les objets que nous conservons du passé. Nous avons eu un héritage de telle chose de nos parents. Vos parents se sont arrangés pour venir hanter votre demeure. Ce n'est pas les parents conscients, ce sont des mémoires des parents. Mais de toute façon, c'est ce qui arrive. L'héritage, c'est la même chose. C'est une façon de préserver une forme de réincarnation mémorielle de ce qui avait le plus évolué chez le parent. L'individu qui vit dans n'importe quelle demeure, nécessairement, doit absorber, il se nourrit des mécaniques endoformiques, de l'énergie qui entre la demeure dans laquelle il va vivre. L'individu qui achète des meubles, si c'est usagé, c'est encore pire, nécessairement est confiné à absorber l'énergie des individus. On prend l'exemple d'une maison qui est construite. Bon, à l'île des Sœurs, j'ai vécu là quelques années, et il y avait un truc intéressant. Il y a déjà eu un cimetière à l'île, sur l'île, et le cimetière, il a été transposé à un moment donné, on a bâti des maisons par-dessus, et c'est très fréquent ce genre de mécanique où on bâtit par-dessus des cimetières et on a des problèmes par la suite. Je ne connais pas les problèmes qu'il y a dans la maison, c'est-à-dire que je les connais, mais je ne les connais pas parce que je les ai expérimentés. Il y a des condominiums extrêmement luxueux, parfaits, qui sont à vendre et puis qui, à un moment donné, sont vendus. Il y en a 5 sur un coin de rue. Et il y en a de l'autre côté, il y en a un peu partout, le même modèle. Mais ces 5 condominiums sont à tous les 3 mois à vendre. Alors, ils sont vendus. Et 3 mois après, on voit qu'il y a une pancarte là. Le courtier qui a ça, en tout cas, lui, il doit faire de l'argent. Ah oui, oui, oui. C'est continuellement à vendre. Les pancartes se promènent d'une cour à l'autre. Il y en a un dernièrement qui était rusé, c'était écrit loué. Mais tous les autres, c'est continuellement à vendre. Les personnes qui déménagent là ne vivent pas là. Alors, on peut dire, bon, dans le début, tu te dis, bon, alors, il y a eu sans doute une surévaluation. Puis les individus qui ont acheté remettent en vente parce qu'ils vont faire de l'argent. Mais après 4 ans de construction, à chaque trimestre, à chaque 4 mois, c'est à vendre, et chaque condominium. Mais tous les autres, non. Mais là, c'est immanquable, toujours à vendre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et si on passe là, c'est encore à vendre. À cause du cimetière? Il doit y avoir, possible. Quand on bâtit sur un cimetière, normalement, ce sont des esprits tapageurs, des entités tapageuses qui viennent, ça fait du bruit. Et l'individu, évidemment, on a toujours des explications qui peuvent dire bien, ça vient du sous-sol. Ce sont des gaz, peut-être, de décomposition, des fosses là-dedans qui font que ça gonfle, etc. Il y a toujours des raisons. Exactement, comme si je dis, je bois de l'eau, et finalement, s'il se passe ceci, cela, ben c'est peut-être à cause que ça. Mais quand on amène une explication rationnelle, elle n'a pas plus de valeur qu'une explication occulte ou spirituelle, ou surnaturelle. Parce que finalement, l'humain ne peut pas prévoir que ça va faire ça. Il prétend que c'est ça qui cause ça. Alors, s'il y a du gaz en dessous de ta maison, on va dire que c'est le gaz qui bombe tes murs. Mais est-ce qu'on aurait pu prévoir que s'il y aurait eu du gaz en dessous, ça l'aurait nécessairement fait cela? Non. Donc, on essaie de fuir de certaines explications pour s'attacher à une explication qui semble rationnelle. Mais combien de maisons sont bâties sur des fosses septiques? Il n'y a pas de problème. Mais sur des cimetières, il y en a. Est-ce que bâti près ou en face ou à côté d'un cimetière, ça a des incidences. Est-ce que ce sont toujours des incidences qui font qu'on devrait... Parce que finalement, c'est important que vous compreniez bien le principe. Si on se dit, alors je dois donc faire attention à ceci, ben vous allez rester dehors. On va tout aller en camping à l'année. Ah, absolument. Puis encore là, ta tante, on ne sait jamais. Bon. Exactement comme l'alimentation. Si vous mangez ceci, c'est négatif. Si vous mangez cela, ce n'est pas nécessairement positif. Si vous prenez de la vitamine C, c'est intéressant. Si vous en prenez trop, c'est une survitaminose. À un moment donné, on ne sait plus quoi manger. On mange. Mais on est quand même capable de dire, je vais manger, mais je vais quand même faire cuire ma viande. Et je vais la faire cuire un peu plus l'été. Je vais faire cuire le porc convenablement. Je vais faire attention à ceci et à cela. On ne finit pas par devenir totalement paranoïaque. Mais il y a quand même des maisons qui ont une incidence marquée sur certaines formes de psychologie et ça déprime les individus. Mais est-ce qu'il y a moyen d'annuler ça, ces mauvais sorts-là? Il y a moyen d'annuler ça, mais ce qui arrive bien souvent, c'est que les individus qui sont mal pris n'ont pas la force pour annuler. Et qui peut le faire? Un exorciste peut le faire, mais bien souvent, ce qu'on doit faire, et là, l'individu va dire, crime, ça, oui, mais là, c'est de l'investissement financier. Oui. Si l'argent ne sert pas à améliorer votre condition, je ne vois pas trop à quoi elle peut servir. Premièrement, repeindre totalement une maison. Première chose, ne jamais, si possible, déménager dans des maisons qui sont trop âgées. Qu'est-ce que c'est qu'une maison trop âgée? Surtout dans la condition d'un individu qui évolue, ben les maisons roulottent. Et même si c'est ça, il y a 3, 4, 5 étages, le genre de maison où tu rentres, puis toutes les pièces sont ce côté-là, ou ce côté-là, puis là-dedans, c'est un corridor qui va jusqu'en arrière, où les trains sont larges comme ça, les plafonds extrêmement hauts, mais les murs, c'est du vieux carton. Enfin, bref, sinon, il faut repeindre. On appelle cela, bien souvent, rénover. Qu'est-ce que ça fait, rénover? La maison vaut plus cher, c'est sûr, mais les individus qui viennent vivre dedans sont des individus de notre classe énergétique. Oui, mais ils ont plus d'argent. C'est évident qu'ils auront plus d'argent, parce que ce ne sont pas des individus qui vont vivent pour un petit pain, qui vont être manipulés par la vieille psychologie, en l'occurrence des Québécois du passé, celle des psychologies atterrées. Par contre, si tu déménages dans une vieille maison où vivaient des millionnaires, mais tu verras qu'elle n'est pas construite de la même façon et les énergies qui sont dedans ne sont pas les mêmes non plus. Mais est-ce que là, on peut parler d'influence positive? On ne parle pas d'influence positive. On ne parle pas de la conscientisation, là, mais pour le sort de la vie, le moment où tu... C'est préférable d'être manipulé par une influence de ce genre de cabane que de l'autre. Influence positive, non. Normalement, quand tu rentres dans une demeure, tu devrais imposer ta propre énergie. Est-ce qu'on ne le fait pas automatiquement? Non. La majorité des individus humains ne le font pas. Ils rentrent là et vont aller se coucher douillettement dans les énergies qui entrent déjà à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit agir pour s'imposer et implanter notre énergie? Premièrement, on doit repeindre la maison. Alors, on peinture et on y va. Tout, le fond des armoires, nécessairement laver, c'est déjà important. C'est un baptême, c'est-à-dire que l'eau ramasse énormément d'énergie vitale, ça la dilue. Mais on doit aussi peindre la maison totalement. On doit changer les lustres, changer l'éclairage pour changer l'ombre de forme de chacune des pièces pour que les entités qui sont là ne se reconnaissent pas dans la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ah, ils vont simplement aller voir chez le voisin. Alors, je comprends, le voisin aurait plus de problèmes, mais... Ça me dérange pas vraiment. Exact. Il faut commencer par commencer. Il faut commencer quelque part. Le voisin, c'est le voisin. C'est sûr que si le voisin... S'il peint lui aussi? Ben, ça va descendre en bas. C'est comme les coquerelles. Surtout, c'est des vieilles coquerelles, ils amènent des énergies. Bon. Ah, mais repeindre à ce moment-là, changer les lustres, là, tu vas me dire de changer le tapis aussi, probablement. Ben, ça, c'est évident. Bon. Surtout s'il y avait un chien ou un chat de la maison. Quand tu achètes une maison ou que tu loues une maison ou un appartement, puis que tu rentres, puis que tu dis qu'il faut que je repeigne, que je change le tapis, la tapisserie, les lustres, etc., ça peut représenter. Tantôt, tu disais que l'argent, c'était peut-être pas important, mais ça peut représenter des sommes assez importantes. Plus la maison est grande, plus ça va coûter cher. Il n'y a pas un autre moyen que ça. Il n'y a pas des moyens énergétiques. On n'est pas assez puissant en tant qu'humain pour rentrer si dans une maison et annuler ça si sans rien faire. Si tu n'as pas suffisamment d'argent pour transformer la demeure, tu n'es sans doute pas suffisamment énergétique pour transformer la demeure. Mais est-ce que quelqu'un qui serait suffisamment puissant pour le faire, sans égard à l'argent, pourrait le faire sans rien changer? Oui. Entrer dans un château du Moyen Âge puis dire c'est comme ça que je le veux puis je me laisserai pas influencer. Puis c'est ce qui va arriver. Mais nécessairement, ce personnage a sans doute quelques diamants comme bouton. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, mais il a de l'or. Ah, OK. Ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se maintiennent et qui se tiennent ensemble. Un être humain extrêmement puissant, ce n'est pas un être humain qui a de la puissance en potentiel. Être humain qui a de la puissance en potentiel, c'est un être humain qui peut-être sera puissant, mais il n'est pas puissant. Quand l'être humain se vautre dans le Dieu potentiel, je dis la même chose, moi, de la merde, c'est une pomme potentielle. Qu'est-ce que tu veux manger, la merde ou la pomme? Ça vaut être une pomme potentielle lorsque ça sera de l'engrais et qu'on aura mis une graine dedans, etc. Et tu mangeras peut-être la merde transmuée en pomme, c'est possible. Sauf que si tu as le choix, tu vas prendre la pomme. Ouais. Même si tu n'aimes pas les pommes. Alors, si tu on dit oui, mais on est tous des dieux potentiels, ça nous mène pas loin. À être énergétiquement, puissamment en potentiel, ben ça fait qu'en attendant, on mange des claques. Un jour, vous verrez, entièrement d'accord, la journée où tu seras capable de te défendre, je vais me pousser. Mais en attendant, j'en profite, je tape. Bon. Mais là, si je rentre dans ma maison, je peinture, je change les tapis, je change les lustres, je change la tapisserie, il va quand même avoir des incarnations ou des atmosphères à cause des meubles, à cause des vêtements, à cause des cadeaux qu'on va recevoir, des héritages, des objets qu'on va acheter au marché aux puces, toutes ces choses-là. Donc, c'est continuel, ça n'arrête pas, exact. Ça. Bon, alors, si on va partir de ce qui pourrait être, de ce qui devrait être le mieux. Bon. Premièrement, pour être le mieux, vous n'achetez que des vêtements neufs. Vous jetez vos vêtements tous les 6 mois. Si vous êtes extrêmement évolué, pilonnez le monde de la mort et donnez vos vêtements. Vous allez manipuler les autres. Voilà, bon. Alors, on parle, évidemment, faudra en arriver là. Il y a un bonhomme que je connais, moi, qui, quand il jette son linge. Toujours. Celui, il jette. Il s'est mis une fois, il jette. Il lave pas, il jette. Bon, c'est pas nécessaire d'en arriver là. On a des tercifs aujourd'hui qui lavent quand même assez bien. Mais pour bien faire, l'humain devrait se départir de ses vêtements à chaque fois qu'il sent chez lui quelque chose qui veut changer. Et ce que je dis là est extrêmement utile. C'est utilisable. Vous direz important si vous voulez. On va dire, oui, mais ça ne peut pas se faire. Ça doit se faire. Exactement comme celui qui dit, je n'ai pas suffisamment d'argent pour me payer une cure de désintoxication, ça coûte 2 000 $. Mais pendant que je bois, je ne travaille pas non plus. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Et à un moment donné, on doit investir là où on doit investir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre nos vêtements? Tu as déjà dit dans une autre conférence qu'on pouvait mettre des objets dans le four micro-ondes, par exemple. Oui. Plutôt que de... J'ai déjà essayé avec le manteau de vison de ma femme. Puis, comment va le vison? J'avais oublié d'ôter ma femme. Elle se porte bien? Ça marche pas avec les vêtements? Oui, ça fonctionne. Mais encore là, au niveau de... Bon, tu peux faire ce genre de choses, mais je parle de parfait. Quand tu n'as pas le choix, tu vas commencer justement à laver, à désintoxiquer énergétiquement. On va voir comment. Mais pour celui et celle ici qui peut, changer de vêtements toutes les fois qu'on a... Et évidemment, il faut faire attention, on peut être manipulé par une personne qui est totalement dépensière. Mais chaque fois qu'on doit changer quelque chose dans notre vie, et à tous les 6 mois, l'humain vient de faire un pas, minimum. Peut-être plus vite, mais tous les 6 mois minimum. On devrait changer d'automobile tous les 2 ans. Et de temps en temps, c'est même faire attention. Parce que l'automobile que tu as fait juste briser, elle ne va pas, elle te perturbe, donc elle est suffisamment manipulée, et tu la changes, et 3 mois après, celle que tu viens d'acheter, c'est plus ça, tu la changes encore, 2 mois après, t'es mieux d'attendre un peu, puis de changer pour plus puissant. Peut-être passer de l'automobile de 5 000 à l'automobile de 25 000, mais économise un peu, puis mets pas tout ton argent dans... Je connais une personne, moi, qui s'est acheté une Renault, et je lui ai dit, Renault, n'achète pas ça. Si t'aimes les problèmes, tu peux acheter. Ah, il a acheté une Renault, c'était une Renault Alliance, et puis la transmission, il l'a changé 3 fois en dedans d'un an. Énergétiquement, il est trop puissant. L'énergie que l'onde de forme Renault t'amène, la possession qu'elle t'amène, est une possession qui ne va pas avec, avec certaines formes d'individus. Et par la suite, il a changé pour la Renault encore. Donc, lui, encore Renault. Et ça l'a tout cassé, et il a encore changé pour une Renault Fuego, et ça n'a pas fonctionné. Et dernièrement, il me disait, là, j'en ai marre, je change encore une fois. Et il est arrivé avec la Renault, la dernière qui est sortie. Il a rien compris. Non. Ah, il fait mieux de rester avec la même Renault. Bon. L'individu devrait changer de vêtements tous les 6 mois. Il devrait changer d'automobile minimum tous les 2 ans. À moins qu'il ait pris déjà une automobile très puissante. Par exemple, vous achetez une Mercedes, une Rolls-Royce, vous achetez une Jaguar, vous achetez une Volvo, vous achetez une Audi, vous achetez... Même une Jaguar. Oui, même une Jaguar, ça va de soi. Bon, mais on s'achète une automobile qui a une certaine classe. On dit, oui, mais là, ça coûte de la tête, d'accord. Mais tu risques de pouvoir la conserver énergétiquement pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Mais là, à ce moment-là, tu ne changes plus tous les 2 ans. Non, parce que tu as pris trop haut, tu es un parvenu. Bon, il y en a des personnes qui vont s'acheter des vêtements. Par exemple, tu achètes un complet qui vaut 1 000, 1 500 Et quand tu le portes, on a l'impression que tu es déguisé. À un moment donné, on aura l'impression que tu n'es plus déguisé. Comment ça t'allait? Mais là, avant qu'il ne te fasse plus, vu que tu as pris cher, tu n'en as pour, t'en as pour longtemps. C'est comme s'acheter des souliers trop grands là, quand j'étais petit. Exact, même chose. Ça finit par t'affaire. C'est ça, jusqu'au jour où ça ne te fait plus. Bon. Mais c'est ça, je crois. Mais est-ce ça. Qu'on est sûr qu'on va être capable de se rendre là? C'est bien beau si demain matin, non, je décide de... Non, quand même pas viser trop haut non plus. Tu achètes un château sur la Loire, tu peux le perdre bien avant d'être capable de payer les taxes. Oui, c'est pourquoi on ne doit pas virer fou, ne pas se prendre trop... Il faut comprendre le principe, c'est une mécanique. C'est comme de dire, pour manger convenablement, imaginez-vous que l'humain a besoin de 300 tonnes d'aliments dans sa vie. Ah oui? Ah, crime, t'achètes 300 tonnes de bouffe. Non, non, j'explique un principe. T'achètes pas 300 tonnes d'aliments parce qu'on a dit que l'humain avait besoin de 300 tonnes d'aliments. Rien qu'à dire que tu vas fumer, toi, avec que tu fumes, tu vas peut-être fumer combien de tonnes de nicotine dans ta vie? Mais là, tu dis, crime, je vais m'acheter des souliers à semelles plus épaisses parce que si je peux pas peser ça, on élimine. L'humain doit comprendre que ce que j'explique là est vrai, qu'on doit tout faire humblement, pacifiquement, pour l'appliquer. L'individu qui commence à être malade, juste à penser qu'il va être malade s'il mange ceci, bien, il est déjà malade même s'il n'en mange pas. Alors, il faut faire attention à ce que je dis. Non, à ce que vous comprenez, oui. Donc, changer de vêtements régulièrement, tous les 6 mois, c'est extrêmement intéressant. Changer d'automobile, et là, on pourrait dire changer de maison. D'ailleurs, c'est pourquoi on a inventé le loyer, hein? Ouais. Ça permet de déménager. Mais ce n'est pas ça. La maison, c'est quelque chose dans lequel on investit énormément d'énergie temporelle et de vie. On investit de l'argent. On doit travailler pour aller chercher l'argent. La maison, normalement, vu qu'on investit énormément d'énergie, est l'objet qui devrait soutenir notre évolution pendant le plus grand laps de temps. L'automobile, moins que la maison, mais plus que le vêtement. Et le vêtement, vraiment ce qui va en dernier. Vous êtes sans doute déjà fait un jour invité chez des voisins ou offert un chalet. On vous a dit, j'ai un chalet, moi, tiens, je te le prête pour 2 semaines. Quand tu arrives au chalet, tu n'es pas chez vous. C'est pas des fous, ça va vraiment pas. C'est assez que tu le prends même pas. Ou si tu le prends, mais t'es bizarre tout le temps que t'es là. L'énergie qui est là est une énergie qui vous accapare et qui ne va vraiment pas avec ce que vous êtes habitué. Dans la maison, c'est la même chose. On s'habitue à tout et c'est un grand danger. Parce que l'humain s'adapte. Mais ce n'est pas brillant. L'humain doit adapter. Quand l'humain s'adapte, il vit de l'évolution darwinienne. Adaptative, comme les animaux. Quand l'humain adapte les choses, c'est autre chose. On devrait donc choisir, lorsque l'on déménage, une maison qui ne va pas uniquement en fonction du budget, mais qui va aussi en fonction de ce que nous vibrons à l'intérieur. Mais nous devons concevoir l'esthétique de la maison en fonction du temps où elle sera meublée. Lorsque des individus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent, ils se chicanent, ils se disputent, et lorsqu'ils se divorcent, ils se partagent les meubles ou en vient un qui part avec tout le lot au complet. Il y a, veut pas, des dangers dans cette mécanique. On va dire, l'humain n'est pas assez riche pour s'en sortir. L'humain n'est effectivement pas assez riche pour s'en sortir parce qu'il n'a pas encore appris convenablement à monnayer son intelligence, à transformer en énergie matérielle l'énergie supramentale qui le traverse. Et il n'a pas encore compris comment ça trouver la voie qu'il doit suivre, qui est facile à déterminer. Elle est proportionnelle. Vous êtes centré dans votre intelligence et dans votre voie, et c'est facile, c'est proportionnel à la diminution de l'effort et du travail en fonction de l'augmentation des résultats. Oui, travailler moins, gagner plus. Travailler moins, gagner plus, tu te rapproches de ton intelligence. Travailler plus, gagner moins, tu t'éloignes de ton intelligence. Et l'humain dira toujours, oui, mais j'ai pas le choix. Premièrement, vous n'avez pas le choix parce que vous êtes manipulé. Mais deuxièmement, c'est parce que vous laissez imbiber vos égos de forces qui peuvent les manipuler à continuer à gagner son pain à la sueur du front, de son front, alors qu'on devrait le gagner à la sueur du front des autres. Lorsque l'être humain est de plus en plus centré dans son intelligence, et c'est facile à percevoir, il va travailler un peu moins et voir les résultats augmenter. Mais il y a une problématique. Plus l'être humain s'approche de son centre d'intelligence, plus il devient conscientisé. C'est-à-dire, conscientiser, ce n'est pas nécessairement faire des conférences comme je l'ai fait. Conscientiser, c'est d'être capable de voir la vie réellement et d'être capable d'avoir le temps et l'énergie pour aborder des conversations différentes. Puis parler de corde à linge, puis d'automobile, puis de sexe, puis de sein, puis de fesses, comment ils donnent. Commencer à parler de quelque chose d'autre. On a le temps. Tu te conscientises. Mais si tu te conscientises et qu'en même temps, tu t'orgueillis d'être possesseur de... Maintenant, ça va bien, là, mes affaires. Vu que tu te conscientises, tu deviens assujetti à des lois de l'initiation solaire qui disent que chaque fois que l'être humain s'égoïse, que chaque fois que l'être humain s'écrète dans une direction, il détruit la direction. Donc, l'humain qui, à un moment donné, commence à se sentir bien et confortablement financièrement et qui commence à avoir le temps pour penser à autre chose et qui, en même temps, s'égoïse que ça va bien, risque de redevenir un humain pour qui ça va aller mal. Puis s'il se conscientise puis qu'il se met à se caler dans l'autre direction, donc quelqu'un qui se conscientise qui est pauvre. Oui. Puis qu'il dit là, je vais changer, il va t'écouter à la lettre. Je vais changer de vêtements aux 6 mois, je vais changer d'auto aux 2 ans, puis en acheter une plus grosse. Je vais vendre ma maison, je vais en acheter pas une plus grosse. Acheter plus grosse, ce qui... plus solide. Ou... Oui, ce qui énergétiquement est un peu en haut de ce que tu vis. Une coche en haut, hein, ouais. En bon français. La maison, la même chose. Déménage, change les meubles, change tout ça. Il est pauvre, là, mais il le fait quand même. Disons qu'il ils réussit. Il ne sera pas pauvre longtemps. Est-ce que justement, oui, il va arrêter d'être pauvre? Absolument. Premièrement, il va attirer des réincarnations de personnes qui vivent dans ces conditions-là, donc de un peu plus riches que lui, ce qui va lui donner l'expérience de ce qu'il doit faire, laisser cet emploi-là, ou encore faire du supplémentaire, avoir de l'énergie pour travailler, trouver une idée géniale, puis commencer à faire en sorte qu'on puisse l'exploiter. Il va parvenir à se vendre un peu mieux. Mais c'est pas parce qu'il n'aura pas le choix. Il s'embarque avec des obligations qui seraient... Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, il faut gagner, par exemple, une semaine de salaire, ça doit couvrir le loyer, puis ils font un budget... strict, et puis qui savent exactement combien il y a de rentrée de fonds par rapport à combien de sorties. Si je gagne 2 000 $ par mois, puis je dis, bon, ben là, je m'embarque pour 3 000, est-ce que c'est intelligent ou pas non, intelligent? Ce n'est pas intelligent. Là, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Par contre, tu peux dire, je vais aller un peu moins au cinéma, je vais manger un peu moins de cochonneries, je vais commencer à vérifier si les petits rondelles d'étanchéité de mes robinets sont en état, de façon à ce que je n'ai pas à payer des taxes d'eau chaude pour absolument rien. L'individu, moi, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Et beaucoup de mes employés, lorsqu'ils avaient des problèmes financiers, je leur demandais à ce qu'on puisse en parler. Et finalement, je m'arrangeais pour prendre en main leur budget. Et chaque individu arrive toujours, celui qui n'a pas d'argent, avec « oui, mais je ne peux pas faire autrement, il me faudrait une augmentation ». Moi, ce que je dis aux employés, c'est que je vais t'augmenter. Ça ne me coûtera pas une scène, mais je vais t'augmenter. Première chose, as-tu une carte de crédit? Oui, amène-moi là. Là, je confisque la carte de crédit. Parce que la majorité de ceux qui n'arrivent pas, qui ont des cartes de crédit, il y a déjà un symptôme majeur. Tu n'as pas de carte de crédit quand tu n'arrives pas. Et Par la suite, eh bien, je leur explique certaines choses, je vérifie certaines choses, et encore pire, si c'est moi qui leur donne l'argent quand ils en ont besoin, c'est pas long qu'en dedans de 3 ou 4 mois, ils ont renfloué leurs dettes, puis 2 ou 3 mois après, ils ont même de l'argent en banque, et là, ils trouvent que là, je suis draconien, qu'ils sont tannés, que là, c'est... Là, bon, fait que là, maintenant, ils reprennent tout, et 6 mois après, ils sont encore aussi pauvres qu'avant. Et le pire, c'est qu'ils mangeaient mieux, ils s'habillaient mieux, ils ne souffraient pas. La seule chose qu'ils souffraient, c'est qu'ils devaient demander de l'argent. J'ai vécu avec des individus pendant un laps de temps. Les tous trois, on travaillait, on partageait le loyer, j'étais relativement jeune. Et ils avaient, deux de mes copains avaient des meilleurs salaires que moi. J'avais une automobile de l'année, ils avaient 2 vieilles cochonneries tout rouillées, ils avaient des dettes. Je faisais des voyages et je gagnais moins qu'eux. Et qu'est-ce qu'un individu qui n'a pas d'argent dit? La première chose qu'il va dire lorsqu'on lui dit « tu devrais faire un budget », je vois vraiment pas comment, je peux pas faire autrement. Là, il a fallu que j'achète de nouvelles serviettes, là, il a fallu que j'achète ceci, il a fallu que... Effectivement, mais tu es manipulé par quelle forme d'entité pour qu'effectivement, il a toujours fallu que... Mais remarquez que lorsque tu as 1 000 $ en banque, tu peux pas, t'en as besoin. Bon, quand t'en as plus, t'en as plus. Mais tu t'arrives pareil à vivre. Les assistés sociaux qui, la première semaine, sont riches une semaine, pauvres 3 semaines après, la majorité des assistés sociaux qui ont de l'argent et qui la dépensent tout la première semaine, ils vivent très bien, 3 autres semaines. Ah, ils se plaignent un peu, puis ils tirent un peu de la carte. Mais n'empêche que s'ils étendraient, puis s'ils étiraient, parce que si on serait un gouvernement intelligent, on donnerait l'échec d'assistance sociale toutes les semaines. Un assisté social, comment il ferait pour changer de vêtements, changer d'appartement, changer de meubles, changer d'auto? Puis devenir riche ou en ce cas plus à l'aise? C'est évident que si... Bon, premièrement, il faut qu'ils s'enlignent pour cesser de perdre de l'argent. Normalement, la cité sociale ne devrait jamais rester dans des logements d'assistés sociaux. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas le choix. Il y a le choix. Ce n'est pas parce que tu... Il n'y a pas de libre arbitre. Puis il n'y a pas de chèque. Exactement. Ce qu'il y a à faire, c'est de mettre, comme tout à l'heure, je l'ai dit, de manipuler, de mettre des programmations dans son ego pour être manipulé à s'en sortir. Comment? Premièrement, je dis, il ne devrait jamais rester dans des maisons d'assistés sociaux. Il ne devrait jamais côtoyer les assistés sociaux. Et les humains vont dire, ah oui, mais là, c'est comme une forme de raciste, une forme de socialiste, une forme de... Exact. C'est en plein ça. Il ne devrait jamais côtoyer les assistés sociaux. Il ne devrait côtoyer que les assistés sociaux qui veulent s'en sortir, pas ceux qui se complaisent dans l'assistance sociale. Ce n'est pas un problème d'être l'assistant social, mais c'est pas avec ça qu'on peut acheter une maison, puis un chalet, puis faire des voyages. Bon, c'est tout. Ce n'est rien d'autre. Mais si l'assisté social se tient avec quelqu'un qui, lui, a suffisamment d'argent pour faire des voyages, payer une maison, puis un chalet, ça va pas lui donner la maison, le chalet, puis le voyage. Absolument. Comment? Simplement parce qu'il va être imprégné de l'énergie de l'autre, baigner dans l'énergie de l'autre. C'est évident que s'il se tient avec, hein, pour se plaindre, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais si à un moment donné, il lui dit, il ose lui dire... Et quand tu te débarrasses de ton linge, j'ai pas d'argent, moi, mais j'aimerais bien ça avoir ta cravate quand tu vas acheter. Celui qui est un peu plus riche, ça peut peut-être le rendre orgueilleux de dire, ah oui, bon, ça me dérange pas. Toi, tu t'en fous. T'es en bas, tu le ramasses. Tu prends plus haut, qui te coûte pas de maudite scène. Tu prends pas plus bas, tu vas pas acheter ça dans des endroits où on a donné des affaires tout croche. Tu prends un peu plus haut. Mais là, tu ramasses les influences. Exact. Tu ramasses l'influence du riche. J'ai dit que cosmiquement, ce n'est pas bon, mais là, vu que tu es conscient de ce que tu fais, tu vas chercher ce que tu as besoin, et là, ce n'est pas tout à fait pareil. Tu montes une marche, mais sachant ce que tu fais, la marche, elle ne risquera pas de te garder prisonnier. La marche, quand tu vas en avoir suffisamment de la marche, tu vas aller chercher quelque chose d'autre. La seule différence, c'est d'être conscient du geste. C'est pas la seule différence. C'est la différence. Ben oui. Okay. Il y a une différence. Manger sans savoir qu'on mange, tu te fais engraisser. Manger en sachant que tu manges, il y a des chances que tu contrôles l'affaire. Les deux cas, tu manges. Bon. L'individu, donc, on parle d'assistance sociale, on parle de celui qui part ou ce qui n'a pas beaucoup de possibilités, mais je reviens encore avec la sempiternelle idée que celui qui n'a pas d'argent, le moindrement qu'il serait budgété par quelqu'un qui a la capacité d'économiser. On a des individus qui en rentrent, qui en ont de l'argent. On a des collectivités qui en ont régulièrement. Prenons l'exemple d'organismes subventionnés par le gouvernement. Un organisme subventionné n'aura jamais assez d'argent. Mais les Sœurs Grises, non subventionnées, ont bâti la place Ville-Marie. Ils avaient une partie de l'île qu'ils ont vendue, l'île des Sœurs. Ils ont des couvents, mais qui sont des compagnies, mais que c'est absolument extraordinaire. Et on ne voit pas trop où ils font leur argent. On va dire, oui, mais ils ont des dons. Ouais, ils ont des dons. Mais ces dons-là ne sont sans doute jamais l'équivalent des subventions que beaucoup d'organismes ont. Mais ces organismes dépensent régulièrement. On peut prendre énormément de secteurs. Quand le gouvernement commence à privatiser les compagnies, c'est quand il n'arrive plus à faire de l'argent avec. Alors, on pourrait se poser la question, comment un imbécile peut acheter une compagnie que le gouvernement n'arrive pas à rendre rentable? Bien, c'est simple. C'est que si le gouvernement l'a, puis que c'est pas rentable, ça veut absolument pas dire que c'est pas rentable. On peut faire des millions qu'une compagnie qu'on va acheter du gouvernement, alors que le gouvernement en perdait des millions. Alors, on se pose toujours la même question. Comment pouvons-nous, si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de possibilités, si on n'a pas de moyens, commencer à grimper des échelons sociaux? Pas pour grimper des échelons sociaux, pour se départir de l'obligation d'être, de vivre dans des maisons qui baignent d'une énergie appauvrissante, qui baignent d'une énergie déprimante, qui baignent d'une énergie qui n'est pas florissante, qui n'est pas croissante, où on ne peut pas s'exprimer libéralement. Comment se départir de l'obligation de rester toujours dans le même maudit quartier qui ne va vraiment plus avec nos énergies? Comment pouvons-nous accepter de rester dans, ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir simplement changer l'onde de forme vestimentaire ainsi que l'onde de forme culinaire dans le but d'attirer des réincarnations, des mémoires qu'on va digérer qui vont nous permettre de grimper encore plus loin pour aller chercher ce que vous devrez tous aller chercher à un moment donné? C'est la richesse de l'aristocrate planétaire, du temps et de l'argent. Les deux n'existent pas habituellement dans un contexte où tu as l'argent, tu n'as pas le temps, travail, ou tu as le temps, tu n'as pas d'argent, tu es sur l'assistance sociale. Bon, mais on doit aller chercher les deux. L'être humain qui part de pas grand-chose, et finalement, on part tous de pas grand-chose. On part tous sur des échelons différents, mais on a des égos qui sont capables de dire, oui, mais si je serais né multimillionnaire, ce serait mieux. Si vous seriez né multimillionnaire, premièrement, vous ne serez pas ici à soir. Deuxièmement, vous n'auriez jamais acheté aucun livre évolutif. Puis troisièmement, ben, vous seriez tous pognés à tout faire pour vous distraire. Bon, alors finalement, ça ne vous arrange vraiment pas. On part toujours à zéro, merde. Quel que soit le zéro. Il y en a qui ont des Jaguars qui partent à zéro. Il y en a qui n'ont pas d'auto qui partent à zéro. On part à zéro. Si on part à zéro, maintenant, quelle est la démarche pour se servir des entités qui manipulent les cabanes, qui manipulent les objets, qui manipulent les vêtements? Comment pour parvenir à se servir? Parce qu'on est pauvre, on est pauvre un instant. Chaque heure de votre vie, c'est de l'argent mis en banque. Celui qui travaille toute sa vie pour pouvoir, une fois qu'il va être à sa retraite, se servir, il y a un danger. Tout le temps qu'on met en banque ne nous est jamais redonné plus tard. Alors, on doit commencer immédiatement à fonctionner. On est entouré d'énergie. L'énergie peut être monnayée, donc elle est matérielle, elle est financière. Elle peut être matérialisée sous forme d'objets. Elle peut être émotivisée sous forme d'affection, sous forme aussi de problèmes. Et elle peut être réellement problématisée sous forme de maladies, de stress, de dépression et de tout ce qui finalement nous nuit régulièrement. Oui, mais on ne choisit pas comment on va la matérialiser, l'énergie. Non, on ne choisit pas. Mais maintenant qu'on a assisté à une conférence, on a suffisamment d'éléments qui peuvent nous permettre de manipuler le manipulateur pour qu'on ne choisisse pas plus, qu'on ne choisisse pas de s'améliorer. Mais si on est dans la maison, qu'on reçoit des influences, on ne peut pas déménager, disons, pour des raisons... Présentement, on ne peut pas déménager. Strictement financière. Demain matin, je ne peux pas vendre ma maison, je ne peux pas déménager. Parfait. Comment je peux faire pour entrer dans cette même maison-là puis annuler les influences qui sont actuellement dans cette maison-là? Est-ce que je peux faire un plan de ma prochaine maison puis sécréter dans l'autre direction? Je ne l'aurais pas, là, moi. Non, si tu fais un plan de ta prochaine maison, c'est dangereux. Non, ce que tu dois faire, un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui travaille à la maison, bien souvent, s'il reste en pyjama ou comme il se couche ou vraiment en défroqué, n'aura pas la même capacité de travail, même s'il travaille à la maison, que s'il décide de mettre sa chemise, sa cravate, la femme de s'habiller un peu plus. La femme qui décide d'aller faire l'épicerie, qui ne décide pas à un moment donné de s'habiller, risque de passer la majorité de sa journée à la maison, puis elle n'aura pas finalement eu le temps énergétique de faire ce qu'elle aurait dû faire. Elle devra faire certains téléphones. Il y a quelques rares exceptions, parce que la maison leur va. Mais la majorité des individus devront adopter une autre onde de forme où l'énergie qui entre ta demeure ne pourra pas venir te chercher, parce que l'onde de forme que tu viens d'avoir est une onde de forme qui s'impose dans la maison. Tu travailles dans la maison, tu travailles habillé tout croche, tout travers. Bien souvent, ça ne va pas. La conversation d'affaires téléphonique que tu aurais avec un individu n'est pas la même que si tu aurais été comme déguisé. Vous rentrez travailler en pantalon court avec un chandail Adidas et puis vous êtes courtier en valeur mobilière. OK, il y a des individus, évidemment, qui vont rire un peu de vous. Mais là, allez-vous avoir le même dynamisme? Possiblement pas. L'individu qui s'en va acheter une automobile, il risque d'être dans une énergie se faire ramasser s'il n'est pas habillé comme si c'était un riche ou une riche qui connaît son affaire. Donc, premièrement, tu dois t'arranger dans ta maison pour transformer ce que tu exprimes. Transformer ce que tu exprimes, c'est nécessairement transformer tes vêtements. Mais l'individu va dire, oui, mais moi, j'ai toujours eu des vestons, des cités, ça, mais je vois pas... Parfait. Alors, ce soir, je t'invite chez moi, puis arrive habillé convenablement. Tu sais, avec ton veston, puis tes bebelles, puis ta cravate, puis soulier, puis la femme, même chose, arrive habillé, bon. Et là, ils vont arriver. Ils sont comment? Collet détaché, la cravate à moitié défaite. Bon, puis ils s'en viennent. Puis la poche du veston déchirée un peu en dedans, puis ils s'en viennent. Ouais, effectivement. Ils ont totalement la vibration du burn-out là, permanent. Ils ont la vibration du bonhomme qui est parvenu, c'est-à-dire qui est celui qui se déguise, qui n'est pas capable de supporter l'énergie. Il n'est pas capable. Oui, mais ma chemise est trop serrée. Ah, t'en achètes de temps en temps des chemises, mais jamais tu vas acheter des chemises avec un collet un peu plus large. Ah, oh, Les épaules font juste. Ça me va, mais c'est ça. Des raisons, mais en voulez-vous? Ben écoutez, n'importe quel humain qui est mal pris, il y aura plein de raisons pour ne pas s'en sortir. Dans l'ordre de la maison, c'est probablement la même chose que l'habillement. Oui. Si ta maison est en désordre, quelle sorte d'entité tu serais? Premièrement, si on veut grimper énergétiquement, on doit parvenir à alimenter un accumulateur qui n'a pas de fuite et qui n'est pas branché sur le monde de la mort. Bref, qui n'est pas branché sur les entités qui hantent les maisons. On doit alimenter autre chose que de l'astral. L'organisation, c'est le début. Tu ne peux pas déménager, mais commence par t'organiser. Est-ce que tu te fais la barbe le soir avant de partir? Ou si tu aimes passer une partie de la journée bien arrangée? Ah, c'est sûr que l'individu qui veut, à un moment donné, changer d'air, tous les matins, il va travailler la fin de semaine, là, il se laisse aller, c'est bon. Mais l'individu qui se laisse toujours aller, c'est plus bon. On doit changer plusieurs choses au niveau de l'onde de forme, c'est-à-dire notre propre attitude. On doit s'imposer. Alors, on devra faire pénétrer de l'organisation. Et que c'est niaiseux. Mais tous ceux qui n'ont pas d'argent ne sont pas organisés. Tous ceux qui ne sont pas heureux ne sont pas organisés. Tous ceux qui évoluent en souffrance ne sont pas organisés. L'organisation, c'est du mental. Ça fait fuir l'astral, l'émotivité, les mémoires et toutes les conneries qui vont avec. S'organiser, mettre de l'ordre. Je dis souvent, l'homme met l'ordre dans sa valise automobile, la femme met l'ordre dans sa valise portative, sa coche. Ça change tout. Sa maison portative dans certains cas. Oui, dans certains cas, oui. Ils ont des marteaux, des extincteurs. Passe-moi une aiguille. Ah, tout là-dedans. Bon, maintenant, l'individu, il doit mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre veut dire quoi? Mettre de l'ordre, évidemment, dans son compte en banque. Ah, il y a toujours des chèques qui rebondissent, mais plus faire de chèques, ça n'est pas l'éléphant pour. Mettre de l'ordre, c'est quoi mettre de l'ordre dans son compte en banque? C'est extrêmement banal. Tu as tant d'argent, as-tu le meilleur compte en banque? Ah oui, monsieur, c'est pas à cause que j'aurai 3 cents d'intérêt de plus par mois qui... Exact. C'est pas parce qu'on va avoir 3 cents de plus d'intérêt par mois que ça va faire, vous allez avoir une Rolls Royce à la fin de vos jours. Par contre, c'est parce que vous allez récupérer les 3 cents que vous perdez que vous allez avoir une attitude. Une attitude qui va obliger des mémoires réincarnationnelles de personnes qui ont l'attitude à la richesse, ceux qui ne se réincarneront jamais dans un individu qui laisse tomber les cents. Et à un moment donné, c'est ça qui va tout changer. Dans votre maison, vous allez commencer à fermer les fenêtres, vous allez commencer à économiser l'eau. Et là, c'est les cents qui commencent à s'additionner. Mais pire! Vous allez commencer à rayonner. Et la plus grande farce qu'on peut faire au monde de la mort, c'est justement de s'imposer, avoir une autorité mentale dans l'astral. Ah oui, on n'a pas plus de libarbite. Absolument, tu vas être manipulé. Parce que ta cravate, tu l'attaches mieux. Parce que ton veston, tu le portes mieux. Parce que tu redresses ton dos en contractant certains muscles dorsaux. Parce que tu changes un peu ton faciès. Tu l'améliores à un moment donné. Parce que tu décides de regarder plus clairement les choses que tu regardes, tu es en train de naître. Mais lentement, ce qui va arriver, c'est que toute ta condition événementielle autour de toi va aussi changer. Lentement, tu vas placer ton mobilier un peu mieux. Lentement, tu vas trouver que c'est tannant d'avoir toujours la maudite vaisselle sur le comptoir qui est au-dessus du côté. Lentement, tu vas trouver que ça vaut la peine de stationner un peu plus droit. Lentement, les choses s'améliorent, vous êtes en mutation. Et l'humain, l'ego va dire, oui, mais, c'est ça. Mais dans 5 ans, tu ne te reconnaîtras pas. Dans 5 ans, tu vas dire aussi, mais, tu auras ton propriétaire de ta maison et tu diras, mais. Parce que l'humain chiale toujours. Mais si l'humain adopte les premières petites choses, si on regarde encore les sœurs grises ou la majorité des congrégations, très riches, ils ont de très beaux vêtements. Oh, ils ont tous le même vêtement en plate. Mais c'est de la qualité. Ils ont des automobiles. Ils ne tondent pas le gazon au petit ciseau. Ils payent le bonhomme, ben non, ils conduisent eux-mêmes le tracteur. Ils ont de l'argent. Et ils mangent. J'ai travaillé, moi, pour des frères à un moment donné, puis moi, je vous dis franchement, si vous les mangez, puis je mangeais bien, oui. Et tout est parfait. Sauf l'égrégore auquel ils sont reliés, qui, dans leur conscience, est limite. Et ce que je veux dire, moi, c'est que si vous rentrez de l'organisation quelque part chez vous, ça change. L'atmosphère, donc les forces qui entrent, ne peuvent plus avoir autant d'emprise sur vous. Quand vous vous couchez, exemple, vous lavez vos draps régulièrement, tous les jours. Vous dites, ah, ben, c'est exagéré. Dormir dans des draps propres et amène un sommeil totalement différent dormir dans des draps qui n'ont pas été lavés depuis une semaine, semaine et demie, deux semaines. Il y en a, c'est au mois. Si je lave avant, il n'y a aucun problème, parce que les draps sont propres, puis ils viennent de bord. Ils sont propres. Mais on parle de l'énergie qui est absorbée. C'est des petites choses extrêmement faciles qui désassujettissent lentement l'individu d'une maison ou d'un lieu de travail. Mettre des plantes, ça absorbe, ça dépend des plantes. Colorer les choses, ça va, mais il y a une esthétique. Il y en a qui peinturent toujours leur maison avec le même sempiternel blanc. Puis ils prennent un blanc plus ou moins mort, puis toujours le plus cheap. Est-ce qu'il y a un animal que tu peux incorporer à la maison pour l'absorber? Le chat est intéressant, le chien est problématique. Petite pause. Pour avoir des questions ensuite, notez qu'il faut procurer l'enregistrement à l'avant. On revient dans quelques minutes. Mais des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous ne vous gênez pas.